107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Mathieu, bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, alors je suis Mathieu Brassier, je suis le directeur artistique de la compagnie de la 5e Sirène, qui est une compagnie qui était à la base une compagnie de théâtre, basée à Épinal, et qui depuis quelques années s'est diversifiée aussi dans des projets audiovisuels. Et pourquoi ce nom, Compagnie de la 5e Sirène ? Alors, ça intrigue beaucoup de monde. Les gens me demandent souvent, ils pensent que c'est quelque chose de très mystique ou que ça a un rapport avec la mythologie, etc. C'est vraiment de la superstition. Le poisson porte chance, donc plutôt que l'appeler la 5e Compagnie du Poisson, je me suis dit que c'était plus joli quand même une sirène. Et le chiffre 5 est mon chiffre porte-bonheur. Voilà, c'est tout simplement ça, ça va pas chercher plus loin. Il y a l'appel du chant des sirènes aussi. C'est vrai, mais l'appel du chant des sirènes peut être dangereux. Oui, c'est vrai. C'est avec Ulysse, je crois, qui a été attaché au mât du bateau. Oui, oui, à la base, les sirènes, c'est pas des êtres forcément très, très gentils. Hein. Elles sont très belles, mais elles sont pas très gentilles. Depuis quand est-ce qu'elle existe, la compagnie de la 5e Sirène ? Depuis l'année 2019, on a créé cette association, puisque c'est une forme associative, avec Luc Michaud, qui en est le président, et Fanny Le Sage, qui est trésorière. Et elle se trouve où, cette association ? Elle est à la MJC Georges Savouret, à Épinal. Elle était, lorsqu'on l'a créée, basée à Saint-Dié-des-Vosges. Et depuis 2020, on l'a basée à Épinal, parce que c'était plus pratique. Pour des raisons logistiques et administratives, elle est là depuis maintenant 3 ans. Et combien de membres est-ce qu'il y a dans l'association ? Alors vraiment membres, il y a que nous trois, hein, je veux dire, qui sont membres dans les statuts de l'association. Ensuite, on a quelques adhérents. Et puis ensuite, c'est vraiment en fonction des projets qu'on travaille avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ça dépend. Ça dépend vraiment des projets qu'on mène. Mais nous sommes dans l'association puisqu'on est une forme associative culturelle intermittent du spectacle. Est-ce qu'il existe plusieurs troupes au sein de la compagnie de la 5e Sirène ? Non, il n'y en a qu'une. Et quelle est la tranche d'âge environ des membres ? C'est assez variable. Là, pour la pièce, par exemple, le dernier spectacle qu'on a créé, Les Fâcheux de Molière, il y a certains comédiens qui avaient une vingtaine d'années et d'autres qui allaient jusqu'à 50, 55 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge requise. Rien n'est requis, en fait, pour en travailler à la 5e Sirène. C'est ce qu'on aime aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vos collaborateurs ? Oui, écoutez, je travaille avec vraiment des gens assez différents. Des comédiens pour le travail de théâtre. Là, par exemple, j'ai travaillé sur la pièce Les Fâcheux avec un comédien de Mulhouse qui s'appelle Edson James, donc qui avait une vingtaine d'années. Le comédien qui travaillera aussi sur la pièce David Gies est basé à Strasbourg. Abel Isseline aussi est à Strasbourg. Voilà, moi je suis ici, on est 4 dans la pièce. La metteur en scène, Brigitte, elle, est en région parisienne. C'est la seule, pour l'instant, qui n'est pas dans la région Grand Est. Et ensuite, en fonction des projets, par exemple sur les projets audiovisuels, pour toute la phase d'écriture, c'est Rodrigue Rouillet qui m'accompagne. Et ensuite, pour filmer, je fais appel aux frères Lunaire, qui sont de Nancy. Donc voilà, comme on fait beaucoup de choses, en fait, on a vraiment des profils très très différents. Et puis, des âges aussi, et des fonctions assez différentes. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de théâtre. On vous laisse avec Smashing Pumpkins, avec leur titre Bullet with Butterfly Wings. Quel magnifique accent anglais, n'est-ce pas ? Bah oui. À tout de suite sur Radio Gémozo. We'll be right back. still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Mathieu. Alors, c'est quoi le spectacle vivant ? Le spectacle vivant, c'est du spectacle, comme disait un ami, avec des gens pas morts. C'était pour plaisanter, mais par définition, c'est-à-dire des choses qui se passent de façon vivante devant vous. Il n'y a pas d'écran de cinéma, il n'y a pas de matière à part la matière humaine, donc qui peut faire énormément de choses, qui même si elle répète inlassablement une pièce et pense la connaître par cœur et qu'elle soit millimétrée au cordeau, elle peut aussi très bien dégénérer. Enfin, il peut se passer plein de choses en fait pendant une heure de spectacle et on voit jamais la même chose. Je pense que c'est ça surtout la définition du spectacle vivant et du théâtre pour moi. Est-ce qu'il n'y a que le théâtre qui fait partie du spectacle vivant ou pas ? Ah ben non, il y a la danse, il y a le cirque, il y a énormément de choses, tout ce qui est de l'ordre de la performance, je dirais quelque part, et du spectacle vivant. Est-ce que le théâtre peut aider une personne timide à s'extérioriser ou pas ? Bien sûr, oui, tout à fait. Parce que ça nous force quand même à nous présenter devant, de monter sur une scène. Donc déjà, on a une position de supériorité par rapport au public. Même si vous ne dites rien, si vous restez simplement figé, c'est déjà quelque chose à surmonter de pouvoir vous mettre sur une scène de théâtre plus haut que tout le monde et regarder les gens, ou ne pas les regarder forcément, puisqu'il y a le quatrième mur. Mais en tout cas, être sur une scène face au public et puis ensuite, oui, apprendre un texte, le connaître par cœur et le réciter. Oui, forcément. C'est un challenge pour les personnes timides. Moi, j'étais très timide aussi et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide encore aujourd'hui. Est-ce que ça peut être un exutoire pour certains comédiens ? Est-ce que ça l'est pour vous, par exemple ? Un exutoire dans le sens où ça me permet de... De sortir du quotidien, en fait. Ah oui, évidemment. Par contre, c'est pas quelque chose qui me permet que si je dois me mettre dans un état de rage incroyable sur scène, je vais pas y déverser toute la rage que j'ai en moi. Enfin, moi, je crois pas à ces techniques-là. Pour moi, ça reste une technique et une tâche à accomplir dans une action qui est demandée par un spectacle. Mais comme peut le faire un mécanicien ou voilà, on nous demande à ce moment-là d'entrer dans un état de rage. Mais je pense pas que ça soit un exutoire dans le sens où ça ne permet pas de déverser tous nos problèmes et de pouvoir avoir un échappatoire à nos problèmes en jouant. Ça, j'y crois pas beaucoup. Et ça ne doit pas être évident de devenir quelqu'un d'autre le temps d'une représentation ? Moi, je trouve ça hyper excitant et intéressant. Après, il y a parfois des rôles qui font qu'on va vers des personnages qui sont trop loin de nous, et puis parfois, on voit que c'est plutôt des personnes qui nous ressemblent. Donc, tout dépend, en fait, de ce qui est demandé. Depuis quand est-ce que vous êtes comédien ? Ça va faire professionnellement, en tout cas, 17 ans maintenant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le devenir ? Je pense que tout petit, j'avais envie de faire ce métier. J'étais fasciné quand j'étais petit par... Moi, je suis marseillais d'origine, donc j'allais beaucoup au théâtre de la Criée à Marseille quand j'étais petit. Enfin, je dis beaucoup. J'y allais. Je voyais beaucoup de films aussi à la télévision. C'était l'époque des VHS, des magnétoscopes. Donc, je regardais inlassablement certains films 10, 20, 30, 40 fois. Donc, je pense que j'ai toujours été attiré vers la mise en scène et l'interprétation. Et l'écriture aussi, pour se projeter dans d'autres mondes. Est-ce qu'il y a par exemple un metteur en scène ou un comédien ou un acteur particulier qui vous a donné envie de devenir comédien ? Bah, je vais dire quand même, même si maintenant je le suis moins, mais il y a Almodovar, Pedro Almodovar, un réalisateur espagnol que j'ai commencé à suivre quand je me suis intéressé un petit peu plus au cinéma d'auteur à l'adolescence, que j'ai suivi pendant des années. Voilà, maintenant son travail m'intéresse un petit peu moins, mais j'aime beaucoup encore ce qu'il fait. Mais je pense que vraiment, si je devais dire une personne, ce serait lui. Après, il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir une parmi 100, ce serait lui. Et comment est-ce qu'on devient comédien professionnel ? Oh, c'est... La question. Ouais, bah, c'est une aventure. Hein. Je pense qu'il y a, mille histoires et mille parcours. Il y en a qui ont beaucoup de chance, qui sont repérés très jeunes et qui commencent à faire du cinéma, comme Benoît Magimel, etc., qui ensuite font une carrière. Il y en a d'autres qui font conservatoire, font du théâtre, ensuite subventionnés, qui font des carrières plutôt dans cet univers-là. Il y a vraiment mille parcours possibles. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait du théâtre au collège et au lycée, et ensuite j'ai fait mes armes dans le café-théâtre. Par contre, j'ai pas fait de conservatoire. Moi, vraiment, j'ai tout appris dans un café-théâtre parisien où on faisait tout. En fait, on faisait la billetterie, on était régisseur, on jouait, on écrivait nos pièces. Et voilà. Et pendant 7 ans, en fait, j'ai été dans une petite troupe où j'ai vraiment appris à faire ça. Et c'est là vraiment que j'ai appris ce métier. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première pièce dans laquelle vous avez joué en tant qu'amateur ou en tant que professionnel ? Ah oui, c'était au collège, c'était une pièce de Raymond Queneau dont le nom m'échappe actuellement, mais ça va me revenir. C'est toujours comme ça, c'est on oublie puis ça revient. Hein. Vous allez dire pendant l'interview, ah ça y est, je me rappelle. Mais ouais, c'est clair, je le sens déjà, je l'ai sur le bout de la langue comme on dit. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première pièce que vous avez écrite et c'était quoi ? Oui, c'était une pièce de café-théâtre qu'on avait coécrit à quatre avec mes quatre complices de la troupe qui s'appelait Qui pour qui, qui était une sorte de folle aventure un peu à la Père Noël est une ordure, mais c'était pas le soir de Noël, c'était lors de la fête de Kippour, donc la fête juive de Kippour qui a lieu, je crois, au mois de décembre. Et ça doit pas être évident d'écrire à plusieurs personnes parce que chacun a ses idées, qui fait quoi ? Ah oui, non, c'est pas évident, mais en l'occurrence, on s'entendait bien. On a écrit, on a joué, on a mis en scène, enfin, on a vraiment tout fait sur cette pièce. On l'a présentée à Paris et à Avignon. Puis on avait en plus tous les quatre des profils vraiment complètement différents, de cultures complètement différentes. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est bien entendu et qu'on a eu des idées qui venaient un peu de partout et qu'on a pu construire ça. Et ça partait vraiment, c'était du café-théâtre. Dans des choses complètement absurdes, avec des coupures qui n'avaient strictement rien à voir avec l'histoire de base, enfin voilà. Et on a beaucoup aimé faire ce travail, on nous l'a bien rendu parce que le public était là aussi. Il fallait rentrer un petit peu dans la pièce, hein, quand on venait la voir, c'était pas évident au début, parce que c'était un univers particulier, mais les gens ressortaient plutôt contents. Voilà, donc on a joué pendant 2 ans, à peu près. Est-ce que vous avez joué ou écrit une pièce dernièrement ? Oui, alors la dernière pièce que j'ai écrite s'appelle « J'aime pas les chats ». J'adore les chats. J'ai vu votre regard, mais j'adore les chats. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit cette pièce. En fait, l'histoire, c'est une histoire qui est assez commune, malheureusement. C'est que une dame âgée meurt, son chat succède, et puis les enfants doivent décider du sort du chat. Donc en fait, la pièce réunit les 3 enfants de cette femme décédée, qui doivent décider du sort du chat qui lui a survécu. Et donc en fait, c'est le point de départ un peu comique, et puis on commence à creuser un petit peu les rapports entre ses frères et sœurs, et on comprend que c'est pas aussi drôle que ça, et qu'il y a des choses aussi sous-jacentes, et des rancœurs, etc. Enfin, des histoires de famille et d'héritage, quoi, voilà. Et ça, c'est la dernière pièce qu'on a jouée, d'ailleurs, ici, à Cornimont, à Épinal, voilà. On a eu 5 dates, déjà, avec cette pièce. Je voulais partager avec vous une citation de Eugène Ionesco qui dit que tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets, il n'y a pas que la parole. Qu'en pensez-vous ? Ah, je suis tout à fait d'accord. Même si après moi je dirais que c'est même plus du langage. Pour moi c'est de la forme. Un silence peut être passionnant au théâtre. Pourtant il correspond à rien puisqu'on n'est plus dans le langage. Donc voilà. Mais je suis à 50% d'accord. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Dalida. Oula, et de l'espagnol. Guatarica de la Fuente. Muy bien. Non. Hola, ¿qué tal? A tout de suite sur le 107. Una preghiera non va mai perduta. Vola leggera, più in alto del cielo, sembra una pietra nascosta dal tempo. Ho ritrovato queste brevi parole, io ti prego. Pietra che il sole ha bruciato, ora è nato un piccolo fiore. Questo vuol dire che ancora una volta il cielo ha sentito voce che prega e che chiede. Ho scritto il mio nome, un'ombra è venuta e mi ha preso per mano. Sembra che ora una voce lontana queste brevi parole, io ti prego. Écoutez Radio Game Ozo, Radio Game Ozo 107.0. Thank you. asfalto, los anillos de tu ajuar que me deslumbran tanto. Dile una noche de madrugada, te he visto pasar. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Mathieu. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Mathieu ? Absolument. Le premier, les Smashing Pumpkins, c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais adolescent. C'est-à-dire il y a 5 ans, pour ceux qui me voient pas assez crédible, mais non, j'étais adolescent il y a bien bien plus longtemps. C'était plutôt les années 90, c'est une chanson qui date de cette époque, de l'époque grunge, puisque les Smashing Pumpkins font un petit peu partie de ce mouvement grunge, bon, avec Nirvana, dont on connaît l'histoire, mais il y avait aussi Pearl Jam, d'autres groupes dans ce genre, donc je les écoutais beaucoup à l'adolescence, et je les réécoutais il y a peu de temps dans une série qui s'appelle Yellow Jacket, voilà. Donc ça m'a fait plaisir et je me suis dit que c'était bien de partager cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Barrage au projet ? Ah oui, volontiers. Barrage au projet, c'est un court-métrage qui a été écrit et interprété par les résidents du foyer Tremplin de Saint-Amé. 7 résidents ont participé. Evelyne, Sabine, Véronique, Sylvain, Thomas, Pierre et Vladimir. Ils ont écrit ce film donc qui parle de la préservation des espèces en milieu humide et de vilains promoteurs immobiliers qui veulent construire un complexe sur un terrain humide et donc détruire la faune et la flore environnante. Et ce groupe du foyer Tremplin va lutter pour faire donc barrage au projet. Ils ont donc écrit et joué dans le film et nous on a un petit peu supervisé l'écriture et ensuite filmé. Voilà, on a été un petit peu les co-auteurs et réalisateurs du film, avec Rodrigue et les frères Lunaires de Nancy. On va écouter un petit extrait, on se retrouvera juste après. Ça te fait quoi qu'on ait pu voir le film si loin ? Et qu'on ait aimé surtout le film, parce que c'est ça surtout. Les gens l'ont vu et ils ont aimé. Je suis fageoise. Tu es ? Fageoise. C'est super content ça ? Ouais. Donc vous êtes tous fageoise ? Oui. Allez, fageoise ! Oh là là, ça sera le mot de la fin. Qui a eu l'idée de faire ce court-métrage ? Alors, l'idée, en fait, est partie du projet qu'on avait mené avec Les Pattes du Coin Rouge de Cornimont. C'était une mini-série de 3 épisodes. La femme d'un des résidents du Coin Rouge m'avait parlé du tremplin. Je me suis mis en relation avec eux et c'est une idée qui a germé entre la cinquième sirène et le foyer tremplin. Et donc, l'année dernière, ça s'est fait entre fin avril et début juin. Comment ça se met en place un tel projet ? C'est beaucoup de concertation d'abord pour savoir comment on s'organise, quelle temporalité on prend. Là, en l'occurrence, c'était sur 9 semaines à raison d'une séance de 2 heures par semaine. Et puis ensuite, c'est toujours pareil, le nerf de la guerre, trouver de l'argent pour monter le projet. Et justement, est-ce que vous avez reçu des aides financières pour ce projet ? Oui, nous avons été soutenus par la région Grand Est, la communauté de communes de Remiremont, donc de la Porte des Vosges méridionales, si je ne dis pas de bêtises, et la Massif, voilà, sous forme de mécénat. Et quel a été votre rôle pour ce projet, vous ? Mon rôle, ça a été un peu de... le rôle que j'ai pour la compagnie, de diriger artistiquement le projet, de le mettre en place d'une part au niveau administratif, et puis d'être là à toutes les étapes du projet et superviser l'écriture avec le groupe, avec Rodrigue, donc, qui était l'intervenant écriture, et ensuite le tournage avec les frères Lunaire. En fait, moi, mon rôle vraiment sur tous ces projets-là, c'est de connaître le projet à la base, de connaître aussi les problématiques des public avec lesquels on travaille et de suivre toutes les étapes du projet pour veiller à ce que tout se passe bien et que le projet puisse aller jusqu'au bout en ayant toujours une idée de ce qu'on veut dire et faire dans le projet. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les personnes qui ont travaillé avec vous ? Rodrigue Rouillet travaille avec moi depuis maintenant 3 ans. On avait mené un projet de théâtre à la maison d'arrêt d'Épinal, qui malheureusement à cause du Covid n'a pas pu voir le jour. Donc Rodrigue, lui, est auteur de théâtre, auteur de BD. Il a réalisé des films aussi. Et en termes d'écriture, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il a une conception vraiment claire, en tout cas, de ce qu'il veut demander au public. Et il sait extrêmement bien mener les ateliers. Il l'a prouvé d'ailleurs aussi avec l'atelier d'écriture qu'on a eu avec le collège de Cornimont, donc toujours avec des publics très différents et c'est très très bien s'adapter au public. Et ensuite les frères Lunaire, donc qui sont les réalisateurs, qui sont 2 réalisateurs qui sont basés sur Nancy, qui s'appellent Johan et Jérémy Noël, voilà. Frères Lunaire, c'est leur nom d'association. Et ensuite les résidents du tremplin, il y a Evelyne et Sabine qui sont un petit peu les plus âgés du groupe, qui ont, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 50 et 55 ans, qui sont donc résidente au tremplin, ce qui veut dire qu'elles sont prises en charge par le foyer car elles sont en situation comme les autres de handicap. Thomas, Vladimir et Pierre sont les plus jeunes, ils ont 20 ans. Et ensuite, Véronique et Sylvain ont à peu près une 40aine. Voilà. Et les 7 sont donc résidents au tremplin. En antenne, vous me parliez de IME et d'un organisme que je ne connaissais pas du tout. C'est quoi déjà ? Les IME, ce sont des instituts médico-éducatifs, donc pour des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. C'est le terme qu'on utilise maintenant, donc je me dois de le dire correctement. Et d'autres pathologies au niveau du handicap mental. Donc c'est des enfants qui sont pris en charge à peu près entre 3 et 16 ans. Donc certains vont au collège, dans les classes, justement les classes Ulysse dont je vous parlais. Les classes Ulysse, ce sont des classes qui regroupent des enfants mixtes, c'est-à-dire des enfants qui viennent justement d'IME et d'autres qui sont du public normal de l'école. Vous avez été candidat pour un festival qui s'appelle Festival Regards Croisés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc c'était un festival qui a lieu tous les ans. Celui de l'année dernière était présidé par Dominique Farrugia. Il a lieu à Saint-Malo. Et le court-métrage Barrage au projet avait été sélectionné. On n'a malheureusement pas remporté de prix, mais on était quand même allé là-bas avec les frères Lunaire et Thomas, donc résident du tremplin. Et on avait passé 2 jours super là-bas au festival. On a vu plein de films, on a pu rencontrer des gens et c'était vraiment très intéressant. Alors, vous avez pas été primé pour ce festival-là, mais vous avez reçu une mention d'un autre festival. Attention, mon meilleur accent anglais va sortir. Vous avez reçu une motion honorable du Light Film Fest. Oh yeah! Yes, of course. Oui, oui, oui, on a reçu ce prix. Le festival s'est déroulé du 18 au 25 juin. Voilà. Le court-métrage a été sélectionné. Ce festival a lieu à Waldwick, au New Jersey, aux États-Unis. Et il y a eu à peu près 13 000 courts-métrages qui ont été diffusés de 120 pays différents. Et donc, il y a eu, je crois, 5 mentions honorables et le nôtre en a fait partie. Donc, on était hyper contents. Malheureusement, on n'a pas pu y aller, mais on a pu suivre ça de loin puisque tout était rediffusé sur un lien Zoom permanent en fait qui montrait toutes les étapes, les présentations qui avaient pu se faire si les représentants des films étaient là. Donc c'était bien. Et puis même si on n'a pas pu y être, de recevoir ce prix, en tout cas pour le groupe du Tremplin, ça a été une superbe surprise et ça nous a fait très plaisir. Et comment votre film s'est retrouvé aux États-Unis ? Parce que il existe une plateforme où on peut inscrire des courts-métrages et ensuite directement les proposer à des festivals. Donc j'ai inscrit Barrage au projet, je l'ai présenté à ce festival, l'a sélectionné. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le foyer Tremplin de Saint-Amé ? Oui, alors juste quelques mots. Donc, il est situé à Saint-Amé, donc tout près d'ici. C'est un foyer d'accueil et de vie avec une partie des résidents qui travaillent donc dans ce qu'on appelle des ESAT et l'autre partie qui est là et qui suit des activités et qui a aussi une assistance médicale. Voilà. Mais les responsables du Tremplin en parleraient certainement beaucoup mieux que moi. Comment vous est venue l'idée de travailler ensemble ? En fait, par l'intermédiaire d'une personne de l'EHPAD du Coin Rouge de Cournimont qui m'a dit que le projet que j'avais mené à l'EHPAD pouvait être intéressant aussi pour le foyer. J'ai contacté le foyer et puis on a décidé de mettre en place ce projet. Est-ce que vous prévoyez de travailler avec d'autres organismes encore ? Oui, alors on prévoit de travailler justement, alors plus sur notre projet théâtre, la pièce Les Fâcheux de Molière avec des IME et des classes Ulysse. À titre personnel, moi je travaille aussi pour une autre association qui est en Haute-Saône et on va certainement travailler avec un foyer assez similaire au Tremplin mais situé à Valais en Haute-Saône. Et puis, donc la dernière nouvelle qu'on a eue, et normalement ça devrait se faire, il est possible qu'on mène aussi un projet similaire au Québec, voilà, dans le cadre d'un dispositif de coopération internationale. Après, le Québec a un fonctionnement assez différent d'ici. Les foyers type Tremplin, c'est ce que eux appellent des résidences intermédiaires, où il y a beaucoup moins de résidences, c'est vraiment des petites maisons avec des petits groupes. Donc ce serait un fonctionnement différent, mais en tout cas sur le projet en lui-même, ce serait aussi l'écriture et la réalisation d'un film. Est-ce que vous prévoyez de travailler avec les mêmes personnes qui ont travaillé sur le projet précédent ou pas ? Ah oui, oui, oui, bien sûr. Après, c'est toujours en fonction de leur disponibilité, évidemment, puisqu'eux aussi font d'autres choses à côté. Mais absolument, oui. Et votre projet sur les EHPAD, c'était quoi ? Alors, c'était une mini-série de 3 épisodes qui s'appelle La Fortune de la Salamandre, qu'on a, pareil, écrit avec un groupe. Alors là, le groupe était plus important, on était sur un groupe de 12 résidents, et ensuite, au niveau de l'interprétation, là, par contre, ils étaient plus nombreux. Le pitch, c'était sécheresse internationale, et seul l'EHPAD du Coin Rouge de Cournimont a de l'eau. Donc moi, j'interprétais un journaliste qui allait dans l'EHPAD pour découvrir leurs secrets et comment ils faisaient pour avoir de l'eau. Donc il y a toute une histoire que je ne vais pas dévoiler, parce qu'il faut aller sur YouTube pour voir la série et taper La Fortune de la Salamandre. Mais voilà, c'est le pitch de départ et c'est un projet qu'on a mené en 2021. Est-ce qu'il y a d'autres films avant celui-là ou pas ? Après, il y a un autre film, et là, c'est à titre personnel, qui s'appelle La Résidence, qu'on a filmé en 2020, qui a été diffusé sur Vosges TV et le réseau de chaînes du Grand Est, Moselle TV, Alsace 2. Et là, c'est un projet de plus grande envergure, avec plus de moyens, qui avait été produit. Et c'est une espèce de faux documentaire sur le travail de répétition de notre compagnie de théâtre. Et le dernier film que vous avez fait, j'ai vu que vous aviez quelques articles sur certains médias. Vous avez été interviewé par d'autres médias, radio, TV ? Oui, alors on a eu un relais de 100% Vosges, et puis vous qui nous accueillez, donc merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. C'est quoi l'actualité de la compagnie des 5e sirènes ? Alors l'actualité, c'est le projet de théâtre Les Fâcheux de Molière. Voilà, on doit terminer la création de ce spectacle. C'est une pièce de Molière qui n'est pas très connue, en alexandrin, qui demande beaucoup de travail. On a déjà eu une semaine de travail à Cornimont. On a présenté une sortie de résidence au collège, puis mené cet atelier d'écriture avec la classe de 4e du collège. Mais il nous reste encore beaucoup de travail sur cette pièce qu'on devrait reprendre normalement l'année prochaine, en 2024. Et normalement, on reprend un projet avec le foyer Tremplin à la rentrée, donc certainement avec d'autres résidents, pour la création d'un nouveau court-métrage. Et les alexandrins, c'est pas des textes poétiques avec une certaine particularité ? Oui, c'est 12 pieds, un alexandrin, c'est-à-dire 12 syllabes. Pour vous donner un exemple, sous quel astre bon Dieu faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné ? Voilà, ça c'est le début d'un monologue que je fais. Donc c'est une technique qui est très rigoureuse. Et avec les élèves de 4e du collège de Cornimont, on a mené un atelier d'écriture de SMS en alexandrin. Donc les élèves ont inventé une correspondance en alexandrin entre eux, qu'ils ont écrit et ensuite mis en scène, et on a présenté un spectacle en fin de parcours. J'imagine qu'il faut avoir certaines techniques pour faire ça, un certain souffle, une bonne élocution, etc. Oui, mais vous savez, tout s'apprend. Hein. Et puis à force de travail, c'est ce que je dis, on peut vraiment, je pense, tout faire, vraiment. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut rejoindre la compagnie ? Vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram aussi. Voilà, après sinon la compagnie a un site internet. Alors le nom exact est en train de changer puisqu'on a changé de, pas de domaine, mais enfin bon, bref. Voilà, l'adresse a quelque peu changé, mais si vous allez sur Facebook, je sais que le lien n'était pas à jour, mais là je vais le mettre à jour, je promets. Donc vous pouvez aussi cliquer sur notre site et nous contacter. Et sinon, on a aussi une adresse mail, donc l'abréviation de compagnie, c'est IE, le chiffre 5, sirène au singulier, @gmail.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et à la compagnie de la 5e sirène ? Bon, je vais dire un gros mot, mais c'est ce qui se dit dans le théâtre, hein. Merde. Cette émission est maintenant terminée. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous, j'ai passé un très bon moment. Plaisir partagé. Vous reviendrez nous voir ? Ah, ben très volontiers. Jamais 203, comme on dit. Exactement. Parce que c'est la deuxième, c'est vrai. Ouais, la première fois, c'était avec Chris, je crois. Tout à fait. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.